mes lunettes dans un Clio. À Rio, un mal pour un bien comme la chimio. C'est pas bio, la rue n'a que je vois. Je crois qu'il va pleuvoir. Il me tarde de voir le karma faire son devoir. J'ai les abusés, abusés. Tu m'as vu passer dans la fusée. Au musée, un pourboire de 2 cas. Coup de barre après le repas. Le jet est en retard. Mon clone est quelque part. Je me lève, je me sape, je mets le gilet barbare.